بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui notre cours 103 dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, Aqidatu Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Et on est arrivé donc toujours dans l'explication des bienfaits qui découlent, des fruits qui découlent de la foi. Et on était en train d'expliquer justement la foi en les messagers et les fruits qui découlent de cette foi-là. On était rendu au point numéro 3, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire le troisième fruit parmi les fruits de la foi en les messagers. Et on disait, parmi ces fruits-là, il y a l'amour, hein? L'amour des messagers et également le respect envers eux, de faire leur éloge en mentionnant à leur sujet ce qui leur convient, c'est-à-dire on a expliqué le fait de ne pas exagérer à leur sujet et de ne pas les dénigrer non plus, hein, de ne pas les élever au-dessus de leur niveau et de ne pas les rabaisser non plus. Et parmi les points qui sont reliés à ce troisième fruit-là aussi, il y a yani, le cheikh il dit « li'annahum rusulun » لأنهم رسل الله وخلاصة عبيده. C'est-à-dire que il faut donc les aimer et les respecter, ne pas et les glorifier parce qu'il leur convient. Pourquoi? Parce que ce sont des messagers et ce sont yani, les meilleurs, les meilleurs et les plus purs des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh explique ce point-là en disant لأنهم رسل الله نعم وخلاصة عبيده يعني نحبهم ونوقرهم لهذين السببين لأنهم رسل الله يعني استأمنهم الله تعالى على وحيه وحكمهم في رقاب عباده وهذا من أعظم الفخر لهم أنهم كانوا أمناء حكماء يعني يحكمون بين الناس وهم أمناء الله على وحيه. Donc il dit le cheikh parce que on doit les aimer et les respecter à cause de ces deux raisons-là, c'est-à-dire parce que ce sont des messagers d'Allah et parce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait confiance. Hein, vis-à-vis de sa révélation, hein, la transmission de sa révélation. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a placés également comme des juges yani ses serviteurs. Et ça, c'est pour eux une des plus grandes fiertés, hein, qu'ils sont yani dignes de confiance et sages, et qu'ils jugent également entre les hommes selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et également, ils sont dignes de confiance. Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait confiance pour transmettre sa révélation. Donc ça, c'est hein, un honneur immense. Ensuite, le cheikh, il dit, « Wa qawluhu wa khulasatu abidihi. » Yani, « La shakka anna a'bad an-nas lillahi hum ar-rusul. » وقرأ في سيرة آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم يتبين لك أنه قد حقق العبودية تحقيقا تاما ولقد وصف الله تعالى محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى مقاماتها فقال تعالى في الدفاع عنه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وقال حين امتن عليه بإنزال القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وقال حين امتن عليه بالإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال في مقام منته عليه بالمعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى والآيات في هذا كثيرة وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم من خلاصة العبيد فإننا لا نشك في أنه تجب محبته لأنه يعني يجب علينا أن نحب كل من كان محبا لله، وهذا هو الحب في الله الذي هو من أوثق عرى الإيمان. Donc le cheikh explique ici que يعني il y a pas de doute que les prophètes et les messagers sont parmi les serviteurs les plus purs d'Allah. Et il n'y a pas de doute que ce sont les êtres qui sont les plus grands dans l'adoration d'Allah également. Il n'y a pas plus grands adorateurs d'Allah que les messagers. Et si tu lis dans, par exemple, la biographie du dernier d'entre les messagers, hein, le sceau des prophètes, le sceau des messagers, c'est-à-dire celui qui est venu sceller la prophétie, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, tu vas voir clairement que il a concrétisé et purifié son adoration et il est devenu réellement et dans le sens total et complet du terme un esclave d'Allah et un serviteur d'Allah dans le sens le plus pur et le plus profond que de ce que cela peut signifier. Et le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant son esclave dans les degrés de la religion les plus élevés. Hein? Et il mentionne des exemples de ça dans le Coran. Par exemple, dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme étant son serviteur et son esclave. Dans la défense de son messager, justement, il dit, yani, et si vous êtes dans le doute, à propos de ce que nous avons fait descendre sur notre esclave, sur notre serviteur, c'est-à-dire le Coran. Yani. Alors, ramenez une sourate comme celle-ci. Hein? Ramenez une sourate comme celle-ci, c'est-à-dire comme elle, si vous êtes capable, si vous êtes véridique. Et il mentionne également le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un esclave, hein? Un esclave d'Allah, dans le contexte et dans le stade de la révélation du Coran sur lui. Et il le dit dans Surat Al-Furqan, le verset 1, hein, que béni soit celui qui a fait descendre le Furqan. Al-Furqan, c'est le discernement et c'est le Coran sur son serviteur, sur son esclave. Dans un autre contexte, il mentionne encore une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le qualifie de serviteur et d'esclave en ce qui concerne son élévation, hein, son voyage nocturne et son élévation, c'était yani, par rapport au voyage nocturne, le verset 1 dans Surat Al-Isra, Subhanalladhi asra bi'abdihi, hein, gloire à celui qui a faire à son serviteur le voyage nocturne à l'Isra. Et également il a mentionné le verset dans le verset 10 dans Surat An-Najm, Al-Mi'raj, fa'awha ila 'abdihi ma awha, il a révélé à son esclave ce qu'il lui a révélé. Donc c'est pour dire que ça c'est juste un exemple pour, parce qu'il y a beaucoup d'autres exemples également, et il explique en fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a glorifié en le qualifiant d'esclave. Il n'y a pas d'honneur et de qualificatif plus honorable pour un être humain que d'être l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala en réalité. Et c'est un des plus hauts degrés, hein, que l'être humain peut atteindre, et le messager sallallahu alayhi wa sallam a réalisé et concrétisé tous ces degrés-là. Et il a mentionné donc quelques exemples. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, dans son livre Al-Ubudiyya, il a donné encore plus d'exemples par rapport à ce sujet-là. Donc c'est un sujet assez important. Et le Cheikh il dit ensuite, il n'y a pas donc de doute que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus pur des serviteurs et des esclaves d'Allah. Et nous n'avons pas de doute sur le fait qu'il est obligatoire de l'aimer, car il est obligatoire pour nous d'aimer tous ceux que Allah aime. Et donc, cela fait partie de ce qu'on appelle le fait d'aimer en Allah. Hein, d'aimer en Allah. Et c'est le degré de la foi qu'on dit comme étant l'anse la plus solide de la foi, l'anse la plus solide de la foi. Ensuite, le cheikh il dit Mas'ala. القول الراجح أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجب الصلاة عليه وإن كان جمهور العلماء على عدم الوجوب أما غيره من الأنبياء فلا تجب الصلاة عليهم. Donc ici le cheikh il mentionne un point important par rapport à ce sujet-là, c'est que il dit que la position la plus correcte et la plus proche de la vérité au sujet de le fait de mentionner la bénédiction ou de demander la bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de faire des invocations pour lui, c'est une obligation. Et il dit que yani, la majorité des ulama disent que cela n'est pas une obligation. Il dit sauf que il n'y a pas de doute que pour les autres prophètes cela n'est pas obligatoire. Donc il conclut que pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la position la plus correcte c'est que cela est obligatoire. Et il dit فإن قال قائل هل يصلح أن نصلي عليه أن نصلي على الأنبياء ونسلم عليهم فالجواب نعم يصلح أن نصلي عليهم ونسلم وكل نبي يصلح أن تصلي عليه وتسلم لكن غير الأنبياء هل نصلي عليهم هل نصلي عليهم الجواب إذا كان لسبب فلا بأس لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم فإذا جاء الإنسان بزكاته وقال خذ هذه الزكاة فقل اللهم صل عليه ويجوز أيضا تبعا كما نقول في صلاتنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يجوز لشخص معين بدون سبب بشرط أن لا يتخذ خاصا به كما لو نقول مثلا كلما ذكرنا أبا بكر قلنا صلى الله عليه فلا يجوز هذا. Donc il dit par exemple si quelqu'un posait la question est-ce que on a le droit de mentionner de demander la bénédiction d'Allah sur les prophètes et de les saluer de la même manière qu'on le fait pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la réponse à cela c'est oui, c'est permis de le faire pour les prophètes, hein, de dire Allahumma salli alayhim ou bien sallallahu alayhi wa sallam, on peut le dire. Il dit parce que tout prophète on a le droit de le dire à son sujet. Et ensuite il dit mais est-ce que cela est permis pour autre que les prophètes? Et le cheikh il répond, il dit si c'est pour une raison spécifique, dans ce cas-là il n'y a pas de mal. Il mentionne en particulier l'exemple par rapport au verset 103 dans Sourate At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Prends une partie de leur argent comme zakat pour les purifier hein, et yani, envoie la bénédiction sur eux ou fait la prière sur eux. » Et le cheikh il dit, c'est-à-dire lorsque quelqu'un vient avec sa zakat et que yani, il te la donne ou bien il la donne à quelqu'un, donc il va dire « Oh Allah, envoie la salat et le salam sur cette personne » ou bien « Fais la salat sur cette personne » en voulant dire « Yani, fais ses éloges et yani, bénis-le » et ainsi de suite. Et il dit donc par conséquent, on peut dire dans notre prière, comme on le dit par exemple quand on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la salat on dit « Oh Allah, envoie la bénédiction et le salut sur ton prophète Mohammed et sur la famille de Mohammed ». Donc il est permis également de le faire pour une personne en particulier sans que ce soit relié à une cause quelconque, à condition que cela ne soit pas quelque chose qui devienne spécifique ou particulier à cette personne-là. et qu'on le fasse, par exemple, à chaque fois qu'on mentionne son nom, comme par exemple lorsqu'on mentionne le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, radiallahu anhu, qu'on commence à dire, yani, sallallahu alayhi, de façon spécifique. Alors là, il dit, ça, c'est pas permis. Ensuite, il dit, وَمَسْأَلَةٌ أُخْرَى إِذَا قُلْنَا إِنَّا حُكْمَ السَّابِ لِلرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم الْقَتْلُ فَهَلْ كَذَلِكَ لِلرُّسُلِ فَهَلْ كَذَلِكَ لِلرُّسُلِ الْآخَرِينَ الجواب الظاهر أنه إذا سبهم من حيث الرسالة قتل وفي غيرها لا يقتل يعني لو أن أحدا سب موسى مثلا أو عيسى أو ما أشبه ذلك فالظاهر أنه لا يقتل إلا إذا كان سبهم لأمر يتعلق بالرسالة. Donc, une autre question qui a été posée est si, par exemple, on dit que le jugement ou le verdict dans la charia à propos de la personne qui a insulté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il mérite l'exécution. Hein, dans la charia de l'islam, la personne qui a insulté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le verdict à ce sujet-là, c'est qu'il mérite l'exécution. C'est-à-dire, cette personne qui a fait ça, elle doit être jugée, puis ensuite, dans un tribunal ou dans un tribunal dans un pays musulman, si jamais, par exemple, la personne a fait ce crime-là, eh bien, elle sera jugée. Et si on trouve que cette personne est coupable d'avoir commis ce crime, eh bien, elle sera exécutée, bien entendu, selon les règles de la charia, avec l'ordre du dirigeant musulman dans ce pays-là. Ceci dit, est-ce que si quelqu'un, par exemple, insultait un autre parmi les messagers, est-ce que ce serait le même verdict? Est-ce qu'il mériterait également l'exécution? Et le cheikh, il répond à ce sujet-là en disant, le sens apparent de cela, c'est que si il l'a insulté par rapport à quelque chose qui a trait à la révélation et au message qu'il a transmis, alors oui, dans ce cas-là, il mériterait également l'exécution. Tandis que si c'était une chose, une cause ou une raison pour autre que le message et la révélation qu'il a reçu, alors dans ce cas-là, il ne serait pas exécuté. Il dit, comme par exemple, si quelqu'un insultait Moïse, Moussa, alayhi salam, ou bien Jésus, Isa, alayhi salam, ou un autre parmi les messagers, comme ça, eh bien, qu'est-ce qui est apparent, c'est que il ne serait exécuté que si il l'avait insulté pour quelque chose qui est rattaché ou relié à sa mission et à sa révélation, la révélation qu'il a reçue et le message. Ensuite, le cheikh il mentionne, il dit qamu bi ibadatihi wa tablighi risalatihi wa nushi li ibadihi wa sabri ala adahum. Donc il dit que également, on doit les aimer et les respecter parce qu'ils ont établi l'adoration d'Allah et qu'ils ont transmis sa religion, son message, et qu'ils ont fait preuve de sincérité envers ses serviteurs, c'est-à-dire les serviteurs d'Allah, et qu'ils ont été endurants dans ce qu'ils ont subi comme nuisance ou difficulté dans la transmission de sa religion. Donc, le cheikh, il dit ici, par rapport à ce point-là, et ça c'est un sujet qui est assez vaste, justement, il dit, يعني, قاموا بعبادته, يعني, لا شك في هذا, يعني, أن الرسل, يعني, أشد الناس قياما بعبادة الله. Donc il dit, il n'y a pas de doute que les messagers sont, يعني, ceux qui sont les personnes les plus strictes et les plus fortes dans l'établissement de l'adoration d'Allah. Il dit, وقوله قاموا بتبليغ رسالته يعني بلغوها على حسب ما أمروا فلم يبالوا بالتعذيب وبالإنكار ولا بالاستهزاء ولا بالسخرية بل بلغوا يعني كما أمروا. قال تعالى يا أيها الرسول بلغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. Donc ici le cheikh explique que quand il dit qu'ils se sont ils ont établi la transmission du message d'Allah, c'est-à-dire que ils l'ont transmis selon ce qui leur avait été ordonné et ils n'ont pas tenu compte de la torture, ni des critiques, ni des moqueries, ni des railleries, mais ils ont transmis le message d'Allah comme cela leur avait été ordonné de le faire. Et il mentionne le verset 67 dans Surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô toi, le messager, transmets ce qui a été révélé sur toi de la part de ton Seigneur. Et si tu ne le fais pas, alors dans ce cas-là, tu n'auras pas transmis son message. Hein? » Et il mentionne le verset 39 aussi dans Surat Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie en parlant des messagers, ceux qui transmettent les messages de leur Seigneur et qui le craignent et qui ne craignent personne excepté Allah. Donc ça, c'est les caractéristiques des messagers. Ensuite, il mentionne le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, وَالنُّصْحِ لِعِبَادِهِ نَعَمْ فَالرُّسُلْ أَنْصَحُ الْخَلْقِ لِلْخَلْقِ وَأَقْرَأْ سيرة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم يتبين لك صحة ما قلنا. Donc le cheikh il dit, et ainsi que يعني lorsqu'il dit oui يعني que ils sont ceux qui ont été également sincères, donc on doit les aimer et les respecter pour leur sincérité envers les serviteurs. Et c'est-à-dire, yani, les serviteurs d'Allah, yani, et le cheikh, il explique que les messagers donc, sont les personnes les plus sincères parmi les créatures, pour les créatures. Et il dit, si tu veux, regarde et lis la biographie du dernier d'entre les messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a scellé la prophétie, et tu vas voir cela clairement, hein, tu vas voir ce que nous avons dit, hein, que c'est clair. Ensuite, le cheikh il dit وقوله والصبر على أذاهم فقد صبروا على الأذى مع أنهم أشعروا بالأذى من حين أرسلوا. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك يعني لحكمه الشرعي وحكمه القدري وربما يتوقع القاري إنا نحن نزلنا القرآن تنزيلا فاشكر نعمة ربك على ذلك هكذا يتوقع لكن الله تعالى قال فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا يعني إشارة إلى أنه سوف يناله من جراء هذا التنزيل أذى وهذا هو الواقع فقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء ولكنه صابر قال الله تعالى لقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وفي هذا إشارة والله أعلم أنه إذا حصل الإيذاء فإن النصر يعقبه ويصدقه الحديث وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Donc le cheikh il dit ensuite le cheikh il dit il faut également les aimer et les respecter par rapport à la patience qu'ils ont eue face à la difficultés et aux choses qu'ils ont subies comme mauvais traitements et comme nuisances de la part des kuffars à cause de leur transmission justement du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit à ce sujet là donc ils ont fait preuve d'endurance face à toute la nuisance qu'ils ont subie, yani, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés pour transmettre le message. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement dans le verset 24 dans Surat al-Insan, nous avons certes fait descendre sur toi le Coran, hein? Alors sois patient, hein, face au jugement de ton Seigneur. Et le Cheikh, il dit, c'est-à-dire face à son jugement révélé et son jugement dans la création et dans sa prédestination. Et il dit qu'il est possible que quelqu'un s'imagine que le verset aurait dit « Nous avons fait descendre sur toi le Coran, alors remercie la grâce de ton Seigneur pour cela, hein, remercie pour cela la grâce de ton Seigneur. » C'est ce qu'il aurait imaginé ou pensé que Allah aurait dit. Plutôt, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit ça, mais il a dit « Sois patient, hein, » vis-à-vis du jugement de ton Seigneur, et n'obéit d'entre eux aucun pécheur ni un négateur. Et donc ça, c'est une indication du fait qu'il va devoir subir, à cause de cette révélation-là, beaucoup de nuisances. Et c'est la réalité de ce qui s'est produit justement, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi beaucoup de mauvais traitements et beaucoup de nuisances à cause de la révélation, mais il a été endurant et patient face à tout cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement dans le verset 34 dans Surat al-An'am, nous avons, yani, certes, les messagers ont été démentis, hein? Ils ont été démentis, c'est-à-dire ils ont été reniés ou traités de menteurs avant toi, mais ils ont été patients et endurants face à face au fait qu'on les ait traités de menteurs, et ils ont été maltraités, ils ont subi beaucoup de mauvais traitements ou de... Yani, on leur a fait beaucoup de tort et de nuisances à cause de cette révélation qu'ils ont reçue, et jusqu'à ce que nous leur donnions notre victoire, jusqu'à ce qu'on leur donne notre victoire, c'est-à-dire jusqu'à ce que leur vienne la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a ici encore une fois une indication du fait que, il dit, et Allah sait mieux, que yani, lorsque vient cette nuisance-là et cette difficulté-là, hein, ou le mauvais traitement des kuffars et des mushrikines envers les messagers, que c'est à ce moment-là que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre à la suite de ça son support et son secours, et que yani, cette signification-là est supportée et confirmée ou bien approuvée par ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmad selon Ibn Abbas, lorsqu'il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sache que la victoire ou le secours d'Allah vient avec la patience, et que la délivrance vient avec l'épreuve et la difficulté, et que la facilité vient après la difficulté. Hein? » Avec la difficulté vient la facilité. Donc c'est pour dire que cette nuisance-là, elle doit venir pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse venir son secours. Et il dit ensuite le Cheikh, وَمِنْ أَشَدِّ مَا وَقَعَ بِالرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنَ الْأَذَى مَا وَقَعَ لَهُ حِينَ خَرَجَ إِلَى أَهْلِ الطَّائِفِ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ كَذَّبُوهُ وَآذَوْهُ فَخَرَجَ إِلَى الطَّائِفِ لَعَلَّهُمْ يَسْتَجِيبُونَ لَهُ لكن والعياذ بالله قابلوه بأشد العذاب. يعني ذكر المؤرخون أنهم اصطفوا صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى هرب لا يدري أين وجهه ولا يفق إلا في قرن الثعالب فكأنه يمشي وهو لا يشعر بأنه يمشي لكن الله دله للطريق فلم يفق إلا في قرن الثعالب، وإذا عقبه قد أدمي، فإذا عقبه قد أدمي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك انظر إلى حلمه مع قدرته، فقد جاء ملك الجبال بصحبة جبريل عليه السلام، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا ملك الجبال، قد أمره الله تعالى أن يفعل ما تقول. فسلم عليه ملك الجبال وأخبره بأن الله تعالى أمره أن يفعل ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني جبلي مكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بحلمه قال: أستأني بهم، يعني أتأنى بهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا عليه صلوات الله وسلامه عليه. فلم يقل النبي: من يساعدني، من ينصرني، مع أن مساعدته ونصره عبادة، لكن قال: من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فانظر إلى العفو عند المقدرة وعدم الانتقام مع العز في مثل الرسل عليهم الصلاة والسلام. فلا أحد أصبر من الرسل على الأذى، وإذا كنا نعلم أن الرسل أنصح الخلق للعباد، فلننظر في محمد صلى الله عليه وسلم نجد أنه أنصح الخلق لعباد الله، ثم لننظر في كلامه نجده أفصح الكلام وأبين الكلام، ثم لننظر في علمه بالله وأسمائه وصفاته نجد أنه أعلم الخلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه. Donc le cheikh il dit ensuite que parmi les choses les plus difficiles comme nuisances que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu subir, c'est l'exemple de ce qui lui est arrivé lorsqu'il est parti à Taif, et que les habitants de Taif, qu'est-ce qu'ils lui ont fait subir lorsqu'il était venu les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, ils ont démenti. Lorsque les habitants de Mecca rejetaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le traitaient de menteur et lui faisaient toutes sortes de problèmes et de nuisances, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il a dit: bon, puisque les habitants de Mecca ont rejeté la vérité, ils ont refusé de l'accepter, eh bien, je vais essayer de chercher une ville dans laquelle je vais avoir un support pour propager la religion d'Allah. Et donc, il a pensé à aller à la ville de Taif. Et lorsqu'il est parti à la ville de Taif, il a pensé que les gens là-bas allaient répondre à son appel et qu'ils allaient accepter sa da'wa. Sauf que, wal'iyadu billah, eh bien, ils l'ont accueilli avec le pire des traitements et le pire des châtiments. Les historiens ont mentionné justement à ce moment-là que les gens se sont mis en rang, puis ils se sont mis à lui lancer des pierres, jusqu'à ce qu'il parte en courant, et il ne savait même pas dans quelle direction il se dirigeait. Et c'est au moment où il a pris conscience qu'il était rendu à un endroit qu'on appelle Qarn al-Tha'alib. Donc ça veut dire que pendant toute cette distance, il avait marché sans savoir réellement dans quel sens il s'en allait. Et lorsqu'il a commencé à regarder où il était, eh bien, c'est là qu'il a compris qu'il était sur le bon chemin et qu'il s'en allait vers Qarn al-Tha'alib. Et son talon était blessé, donc il y avait du sang sur ses talons. Et à ce moment-là, Le cheikh, il dit, regardez à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam était patient et indulgent envers les gens, malgré qu'il avait, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a donné le pouvoir de se venger sur eux, ou bien même de les punir, ces gens-là, pour qu'est-ce qu'ils avaient fait. C'est lorsqu'il a envoyé l'ange Yani Jibril, alayhi salam, en compagnie de l'ange des montagnes. Et il dit, Jibril, alayhi salam, a dit à l'ange des montagnes, Yani, Allah a ordonné à l'ange des montagnes de faire ce que tu dis. Alors, le prophète sallallahu alayhi salam a donné le salam à l'ange des montagnes, et Yani, l'ange des montagnes lui a dit, Allah m'a ordonné de faire ce que tu dis, ô messager. Alors, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, yani, a écouté ce que l'ange des montagnes lui a dit. Et l'ange des montagnes lui a dit à ce moment-là, si tu veux que je les écrase entre deux montagnes, je vais le faire. C'est-à-dire que j'écrase les habitants de Taïf entre deux montagnes, dis-moi et je vais le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec sa patience et son indulgence et sa douceur, il a dit, non, j'attends du bien de deux quand même. C'est-à-dire, j'espère qu'il va quand même y avoir deux du bien qui va sortir. Hein? Peut-être qu'il va y avoir dans leur progéniture des êtres qui vont adorer Allah et qui ne vont rien associer avec lui. Et le cheikh, il dit à propos du prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a pas dit, il va y avoir des gens parmi eux qui vont m'aider ou qui vont me secourir. Non. Hein? Yani, même si yani, ils vont l'aider, le secourir, et que ça c'est une adoration, il n'y a pas de doute. Mais il n'a pas dit ça de cette façon-là. Il a dit, il y aura des... Yani, il y aura des êtres parmi eux ou des gens parmi eux qui vont adorer Allah et qui ne vont rien associer avec lui. Donc, le cheikh, il dit, regardez comment il a été indulgent et comment il leur a pardonné alors qu'il avait la capacité de se venger à ce moment-là. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné justement cette puissance-là et cette capacité-là, hein, de pouvoir se venger d'eux. Mais il était le plus patient des hommes, hein, vis-à-vis des difficultés et des mauvais traitements des gens. Et même que certains parmi les ulama à notre époque, ils ont utilisé cet exemple-là comme leçon pour réfuter justement les khawarij à notre époque qui, eux, ne pensent justement qu'à tuer, hein, et qu'à se venger. Et donc, ça, ce n'était pas le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh, il dit donc que yani, nous savons que les messagers sont donc les personnes, les serviteurs les plus sincères envers les hommes et les êtres humains, et que si on regarde l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on va trouver que il était justement la personne la plus sincère et la plus yani, attentionnée, hein, pour les autres êtres humains, et qu'il était aussi la personne la plus éloquente et la plus claire dans sa façon de parler et dans sa façon de clarifier la vérité, et que également Yani, c'était la personne qui avait le plus de connaissances à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses noms et de ses attributs. Et il dit que également, donc, c'était la personne la plus connaissante à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il nous reste encore un petit point à expliquer par rapport à ça. Donc, on va lire le dernier, le der, la, c'est ce qui reste à expliquer par rapport à ce dernier point, par rapport à la fois au messager, puis c'est ce qui va conclure le cours d'aujourd'hui. Le cheikh dit, فَكَلَامُ الرَّسُولِ إِذَا تَنْطَبِقُ عَلَيْهِ الْأَوْصَافَ الَّتِي يَجِبُ عِنْدَ اجْتِمَاعِهَا قبول الكلام. الأول العلم، الثاني الصدق، الثالث النصح، الرابع الفصاحة. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم متضمن لهذه الأنواع الأربعة، وكل كلام اجتمعت فيه الأوصاف الأربعة فإنه يجب أن نأخذه بظاهره وألا نميل عنه يمينا ولا شمالا، وهذا من أقوى الأدلة العقلية على وجوب قبول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بدون يعني بدون أي توقف، لأننا لو سألنا هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن ربه هل هو جاهل بدون يعني هل هو جاهل؟ الجواب لا، بل هو أعلم الناس بالله عز وجل. وهل هو كاذب؟ لا، بل هو أصدق البشر. وهل هو غاش؟ لا، بل هو أنصح الأمة للأمة. وهل كلامه مشتمل على العي والتعقيد وعدم الفهم؟ الجواب لا، بل كلامه أفصح الكلام وأبين الكلام وأحسن الكلام، بل إنه حظي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى جمع له الكلم، يعني واختصر له الكلام اختصارا حتى إنه لا يأتي بالجملة اليسيرة فتحمل المعاني العظيمة، وذلك من فضل الله عليه وعلى أمته صلوات الله وسلامه عليه. Donc le cheikh il explique ici que la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien elle répond à certaines caractéristiques, et lorsque une parole correspond ou bien remplit ces caractéristiques là et lorsqu'elles sont réunies ces caractéristiques là eh bien ça implique que il est obligatoire pour nous de l'accepter, hein, ou pour n'importe qui d'accepter cette parole. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa parole, elle est basée sur la science. Deuxièmement, c'est une parole de vérité. Troisièmement, c'est une parole sincère. Et quatrièmement, c'est une parole claire et éloquente. Et donc, le cheikh explique que la parole donc, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle comprend ces quatre éléments-là. Et donc, toute parole, lorsque ces quatre éléments-là sont réunis à son sujet, il est obligatoire pour nous de la prendre dans son sens apparent, et on ne peut pas donc pencher ni à gauche ni à droite par rapport à cette parole-là. Et il dit ça, c'est parmi les preuves rationnelles les plus fortes pour établir l'obligation d'accepter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de ce que de ce que son Seigneur lui a transmis sans aucune hésitation et sans aucune hésitation. Et il dit, si par exemple quelqu'un nous posait la question à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous informe de ce que son Seigneur lui a dit, est-ce qu'il était ignorant? Et la réponse à cette question est non, il n'était pas ignorant. Au contraire, c'est la personne la plus connaissante et la plus savante à propos d'Allah. Et si on nous posait la question, est-ce qu'il était menteur dans qu'est-ce qu'il nous informait à propos d'Allah, et la réponse c'est que non, il était véridique. Il était véridique, et il était l'être humain le plus véridique en parole. Et si on nous posait la question, est-ce qu'il était malhonnête, est-ce qu'il trichait, est-ce qu'il trichait lorsqu'il nous informait des choses que Allah lui a transmis, et la réponse à cette question, bien entendu, c'est que il était sincère, et la personne la plus sincère envers la Ummah, envers les êtres humains. Et est-ce que ça, si on posait la question, est-ce que sa parole comprenait yani quelque chose qui était difficile à comprendre ou impossible à comprendre, ou des paroles qui ne sont pas censées ou quoi que ce soit de ce genre, et la réponse à ce sujet-là Et non, puisque sa parole était la parole la plus éloquente et la plus claire et la meilleure de toutes les paroles. Et donc, il dit le cheikh que, étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala également lui a réuni en lui, qu'est-ce qu'on appelle les paroles qui sont concentrées, les paroles qui sont résumées. Hein? C'est-à-dire que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est capable de dire des choses qui sont avec des significations très grandes et très profondes, et il n'a pas besoin d'utiliser beaucoup de mots pour ça. Hein? Il n'a pas besoin d'utiliser beaucoup de mots pour s'exprimer. Il peut dire des choses les plus profondes et les plus importantes avec le plus petit nombre de mots possible. Hein? Et ça, c'est parmi les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui pour sa umma, alayhi salatu wa salam. Ensuite, le cheikh il dit, « Wala shaka annahu, alayhi salatu wa salam, asbarul khalq, li'annahu alayhi salatu wa salam, lahiqahu min al-adha ma sabaqa dhikru ba'dihi, wa min a'jabi ma lahiqahu aydan min al-adha wa ashaddihi إهانة أنه كان ذات يوم يصلي تحت الكعبة وآمن مكان على وجه الأرض وهو الكعبة والمسجد الحرام فكان يصلي كما يصلي سائر الناس وكان حوله ملأ من قريش فقال بعضهم لبعض أيكم يذهب إلى جزور آل فلان وكان عندهم علم بأنها ذبحت فيأتي بسلاها فيرثها يعني فيأتي بسلاها وفرثها أو نعم وفرثها ودمها فيضعه على محمد صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يعني فانبعث أشقاهم وأتى به ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد مع أنه لو جاء أعرابي بدوي من أقصى الجزيرة إلى مكة لم تنله قريش بسوء وهذا منهم يعني يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته ويفعلون به ما يفعلون عند بيت الله عز وجل نسأل الله العافية فبقي الرسول عليه الصلاة والسلام ساجدا وهؤلاء يقهقهون ويضحكون ويتمايلون بما فعلوا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءته ابنته الصغيرة فاطمة رضي الله عنها فأزالت عنه السلاء والفرث والدم ثم قام وأنهى صلاته وبعد السلام رفع يديه إلى ربه عز وجل ودعا عليهم فما أفلت منهم واحد إلا قتل فكل هؤلاء قتلوا في بدر وسحبوا في القليب يعني يؤذي الناس نتنهم فأخزي والعياذ بالله في الدنيا وسيخزون في الآخرة فالمهم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام صبروا صبرا عظيما على أذى قومهم فموسى عليه الصلاة والسلام آذاه قومه وكانوا هم المختارين من العالم في ذلك الوقت آذوه أذية إذ يسمعونه يخاطب الله عز وجل ويسمعون كلام الله ثم يقولون لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أعوذ بالله هؤلاء هم المختارون من شعبه وكان من جملة أذيتهم أيضا أنه كان يغتسل مستترا ولا يمكن أن يغتسل عريانا، وكانت بنو إسرائيل تغتسل عراتا، فقالوا إن موسى لم يستتر عنا إلا لأنه آدر، يعني الأدرة يعني مرض في الخصيتين، تنتفخ الخصيتين أو الخصيتان، وقالوا فلماذا لا يغتسل عاريا كما نغتسل نحن، نحن نغتسل عراة. فأراهم الله سبحانه وتعالى آية قهرية على موسى، فحيث كان يغتسل ذات يوم وقد وضع ثوبه على حجر، فهرب الحجر بالثوب بأمر الله، فذهب موسى يعني يشتد وراءه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، فخاطبه لأنه هرب بثوبه، فعل العاقل الذي يخاطب، حتى وقف الحجر عند بني إسرائيل فشاهدوا موسى ليس فيه إلا الخير سليما معافى. وفي ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يعني نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تعظيم رسلنا على الوجه الذي يرضاه عنا، إنه على كل شيء قدير. Donc le cheikh il dit, et on va expliquer ça, c'est la dernière partie, après c'est fini pour ce cours-ci. Donc le cheikh il dit donc, il dit il n'y a pas de doute que les messagers sont les êtres les plus patients de toutes les créatures. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a subi toutes sortes de nuisances et de difficultés. On en a mentionné quelques-unes. Et il dit, et parmi les exemples les plus étonnants de qu'est-ce qu'il a subi comme difficulté, et parmi les humiliations les plus graves qu'il a subies, il y a l'exemple yani, de ce qu'il a subi justement lorsqu'il était à la Mecque. Subhanallah. Et on sait que la Mecque, c'est un endroit qui est un endroit sûr, un endroit sécuritaire, l'endroit peut-être qui est le plus sécuritaire sur terre, parce que c'est un sanctuaire de paix. Et ce jour-là, il faisait la salat à l'ombre de la Kaaba. Et il faisait la salat et les gens étaient autour. Et il y avait un groupe parmi les notables de Quraysh qui étaient réunis. Ils parlaient entre eux. Et l'un d'entre eux a dit, lequel d'entre vous pourrait aller chercher les restes du chameau qui a été égorgé la nuit dernière? Parce qu'il savait que telle personne, par exemple, à Mecca, avait égorgé un chameau la veille. Et donc, quand un animal, on a fini de le vider et qu'on a jeté tous les intestins les entrailles et les choses à l'intérieur, tout ce qui n'est pas bon, ou bien lorsque, dans certaines narrations, il disait une chamelle, lorsqu'elle a mis bas, par exemple, et qu'elle a eu son petit, l'intestin, le placenta qui reste de l'animal, il y avait les restants. Donc, un d'entre eux a dit, lequel d'entre vous pourrait aller chercher ces restants-là et les ramener? Alors, le plus malheureux d'entre eux, est venu, puis il l'a pris, est allé chercher, alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était en train de faire sa salat, et puis il est venu mettre ses restants d'animal sur le dos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était prosterné. Le cheikh dit, imaginez si c'était un bédouin qui vient du plus loin coin du coin le plus éloigné de la péninsule arabe et qui venait à Mecca, il ne lui aurait rien fait de mal. Mais celui-là, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils le connaissent, c'est quelqu'un qui était de la Mecque, et ils le connaissent, et ils savent que c'est quelqu'un d'honnête et quelqu'un de bien. Et regardez comment ils agissent avec lui en plein milieu de la Kaaba, devant la maison d'Allah. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, le cheikh, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est resté dans cette position-là, prosterné, alors que eux, ils étaient en train de rigoler, de rire, et de se balancer comme ça en riant. Ils étaient en train de s'amuser de cette scène-là, et de ce qu'ils avaient fait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que sa petite fille, Fatima, radiyallahu anha, est venue. Et elle a retiré du dos de son père toutes ses entrailles, ses restants d'animal mort. Elle l'a enlevé du dos de son père. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a terminé sa salat. Et après avoir fait le salam, il a élevé ses mains vers Allah, subhanahu wa ta'ala, et il a invoqué contre eux. Et tous ceux contre qui il a fait une invocation ce jour-là, a été tué pendant la bataille de Badr. Et donc, c'est pour dire comment Allah subhanahu wa ta'ala les a punis. Ils ont été donc humiliés dans cette dunya et ils seront humiliés dans l'au-delà. Et le cheikh, il dit donc, l'important dans cet exemple, c'est pour faire comprendre en fait que les messagers sont les plus patients d'entre les créatures face aux mauvais traitements qu'ils peuvent subir de la part de leur peuple. Et il dit également l'exemple des messagers, l'exemple des autres messagers aussi, comme Moussa alayhi salam. Il a subi lui aussi beaucoup de mauvais traitements et beaucoup de torts et de nuisances de la part de son peuple, qui était soi-disant le peuple élu de son époque. Et il a subi d'eux beaucoup de nuisances et beaucoup de mauvaises paroles, de mauvais traitements. Et donc, il dit, le cheikh, que lorsqu'ils étaient en train d'entendre Allah subhanahu wa ta'ala qui s'adressait à lui, et ils entendaient donc la parole d'Allah, et à ce moment-là, ils disaient, nous n'allons pas croire en toi jusqu'à ce qu'on voie Allah ouvertement. C'est-à-dire, en voulant dire, on ne va pas croire Allah jusqu'à ce que Allah il se montre à nous. Et ça, c'est grave. C'est un affront et un manque de respect total. Alors que c'était supposé d'être, soi-disant, comme on dit, le peuple élu à son époque. Après, le cheikh, il mentionne également un autre exemple parmi les exemples de leur mauvais comportement et leur mauvaise attitude. Et la nuisance qu'il faisait au prophète Moussa alayhi salam, c'est que Moussa alayhi salam était un homme pudique, comme les messagers en général, et tous les hommes pieux qui suivent les messagers, ils sont pudiques également. Et lui, subhanallah, il n'aimait pas se laver nu en présence des autres. Tandis que les fils d'Israël, eux, lorsqu'ils se lavaient, ils se mettaient nus devant les autres, les uns en face des autres, et ils montraient leur nudité. Et ils ont dit, à propos de Moussa, pour se moquer de lui, ah, lui, la raison pour laquelle il se cache pour se laver, c'est parce qu'il a une malformation des testicules, C'est comme s'ils veulent se moquer de lui, en voulant dire qu'il a les testicules enflés ou quelque chose comme ça, ou gonflés, et ce qui fait qu'il n'ose pas, à cause de ça, il n'ose pas se montrer nu devant les autres. Donc ça, c'est une insulte et une moquerie, Et eux, les Juifs, ils aiment ça, justement, faire des blagues à propos des choses qui sont sérieuses, ou à propos des choses qu'on ne devrait pas faire des blagues. Ça fait partie de qu'est-ce qu'ils appellent l'humour juif. Allah musta'an. Donc ils sont très drôles. Ils aiment la comédie. Et une fois, j'étais au supermarché, j'étais allé acheter quelque chose. Et Je suis rentré dans le supermarché, puis il y a une vieille dame qui m'a vu. Elle s'est arrêtée, puis elle a commencé à me regarder de la tête aux pieds. Avec mon camis et la barbe et tout. Elle s'est arrêtée, puis elle m'a regardé de la tête aux pieds. Et j'ai dit à cette dame, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez, madame? On dirait que vous avez vu un fantôme. Et la dame, quand j'ai dit ça, elle a fait une drôle de réaction, comme si en voulant dire, elle a monté les yeux en haut, puis elle est rentrée dans le supermarché. Et il y avait un monsieur qui était un juif qui était assis juste en face, là, juste devant nous, et qui a vu toute la scène. Et il s'est mis à rire. Et il m'a dit, franchement, t'es vraiment drôle, ta réponse, elle est vraiment drôle. Tu m'as vraiment fait rire. Il m'a dit, est-ce que... Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, est-ce que tu es un imam? J'ai dit, effectivement, je suis imam. Il m'a dit, ah, franchement, je suis sûr que tu es un bon imam, parce que tu as un sens de l'humour. Et il dit, nous, on avait un rabbin comme ça, il nous racontait plein de blagues comme ça à la synagogue. Yanni, c'est pour dire, Yanni, c'est des gens, ils aiment ça plaisanter. Ils aiment ça faire rire et raconter des blagues. Alors que moi, quand j'ai dit ça à la femme, j'ai pas dit ça pour rire, en fait. C'était pas pour une blague. Franchement, elle avait vraiment l'air comme si elle avait vu un fantôme. À la koulihal, c'est juste une anecdote comme ça. Subhanallah. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ensuite, donc, le cheikh, il explique donc qu'est-ce qui est arrivé par la suite avec Moussa, alayhi salam, lorsqu'ils l'ont accusé d'avoir cette malformation-là, d'avoir cette maladie-là. Ils ont dit, il est venu, puis ils ont dit, pourquoi il ne se lave pas avec nous? C'est parce qu'il est comme ça. Il ne veut pas se laver nu avec nous parce qu'il est comme ça, il a honte. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a voulu innocenter son prophète, Moussa, alayhi salam. Alors il a fait que une situation se produise, un miracle se produise pour justement faire en sorte qu'il soit innocenté. Hein? Et c'est quelque chose qui n'était pas en son contrôle. Moussa alayhi salam s'est mis à l'écart pour se laver. Il a mis ses vêtements sur une pierre et puis il est allé se laver. Pendant qu'il était en train de se laver, la pierre elle a commencé à avancer toute seule. C'est un miracle. Il y a quelque chose qui est pas, qui est quelque chose, c'est quelque chose qui est hors de l'ordinaire. C'est pas quelque chose qui est naturel. Hein? Une pierre qui marche, hein? C'est quelque chose qui est pas naturel. Donc, Moussa alayhi salam, il s'est mis à courir derrière cette roche pour rattraper ses vêtements. Alors, il a pris un bâton puis il commence à frapper la pierre en courant jusqu'à ce qu'il arrive justement devant les fils d'Israël qui étaient en train de se laver. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont pu justement voir que les accusations qu'ils avaient faites à propos de Moussa alayhi salam de dire qu'il avait une malformation, que c'était faux. Hein? Et Allah subhanahu a fait que cette chose-là se produise pour que justement ils cessent d'inventer des mensonges et de se moquer à propos de son messager. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté cette histoire-là. Il a dit que les marques de Moussa alayhi salam qu'il a laissées sur cette pierre sont présentes jusqu'à aujourd'hui. Tout ça pour dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé un verset à ce sujet-là dans Sourate Al-Ahzab, le verset 69. Et il dit dans ce verset, Ô vous qui avez cru, ne soyez pas comme ceux qui ont fait du tort à Moussa. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala l'a innocenté de ce qu'ils avaient dit. Hein? Donc, il dit le cheikh, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner ainsi qu'à vous-même le respect de ses messagers, de la manière qu'il a agréé, et certes, il a le pouvoir sur toutes choses. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera la suite au prochain cours, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.